tu veux savoir comment je pense. Sans pas les reins, tu penses mal. Non, non, non, c'est pas que je pense mal, mec. Mais si, tu penses mal, mec. C'est comme ça que je pense. De toute façon, tout le monde pense mal, mec. Bah, on le sait. Et c'est normal. Je pense sévère, personne se laisse faire sur les nerfs. La situation s'avère vénère, c'est tout puissant qu'on vénère. Ça dégénère sur la terre, qu'on s'affaire, qu'on sait faire. Si on échoue, faut s'y faire ou se la faire. Ouais, ouais, j'aime cette vie quand le soleil est présent, quand la thune est présente et que mes potes représentent. Chaque minute qui passe sont des secondes additionnées. Au train où va cette vie, mieux vaut être bien conditionné. Y'a tant de personnes qui ont souffert, on veut changer d'air. Y'a pas d'ossard, ni de brassard, ni de brasseur. Je veux pas un casseur, personne brasse l'air. On veut pas des bracelets, poussets, parce qu'on joue pas les corsaires. Okay, si je laisse une trace, c'est que j'aurais fait mon taf. À la vie, à la mort, faites que Dieu me laisse une place. J'en pose une pour ceux qui sont à l'écoute, qu'on les crocs, vise gros, qu'on leur foute avant qu'ils nous shootent. L'essentiel, c'est la vie, sensationnel, sensoriel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie, l'essentiel, c'est la vie, sensationnel, sensoriel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie. Si on souffre, t'en fais pas, on a du souffle. Sous nos carcasses en béton, on la connaît la chanson. Laisse, on brise le silence, ce silence profond. Réveille l'eau qui dort, la tête noyée dans la boisson. Faut se défaire, des idées de travers, pour pas passer au travers. Écoute les nouvelles du 13h, rasoir même ailleurs. N'oublie pas que la vie est un trésor, tout va vite, on veut tout de suite. Beaucoup de gens sont des traceurs. On a plus le temps, non, donc on court jusqu'à l'essoufflement. On aimerait tous la première place, évidemment. On fait en sorte de garder la pêche et tu le sais. La vie un combat avec une odeur musclée. On est tous d'une vie risquée, c'est tricard parce que leur jeu est truqué. Je veux pas troquer, mais y'a des toqués, des tocards ensemble unis traqués. Ce monde fait craquer. L'essentiel, c'est la vie, sensationnel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est la vie, sensationnel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie. Laisse passer la colère, dépasser les couleurs, c'est pas un polar. Parce que de là où je viens, c'est déjà color. Ouais, lorsque la haine ressurgit, c'est hardcore. On passe de la couleur rouge, prêt à découper les gorges. Le mal empiète sur le bien, le moteur s'emballe, y'a plus le frein. Comme souvent, ça part de rien. Rien que pour un regard, ça se tape, ça se frite, ça se nique pour des histoires sans sac. On a beau avoir du grand, faut se comporter comme un grand. Apprends que la réalité est rarement sur écran. Trop prennent la vie comme un film de science-fiction. Retour au réel, ouais, c'est la malédiction. Je connais le dicton, même si t'es esquiver les dictées. Plus tard, t'inquiéter parce que l'amour est déchiqueté. La consommation de violence n'a rien apporté, à part des embrouilles qui au placard t'ont porté. L'essentiel, c'est la vie, sensationnel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est la vie, sensationnel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est la vie, sensationnel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie. L'essentiel, c'est la vie, sensationnel. Si Dieu le veut, on ira tous au ciel. L'essentiel, c'est la vie.